yeah, yeah, vou quitter mamão. Yeah, yeah, vou quitter baba baba. Yeah, yeah, vou lever o almarié. Fambi um debaleu, zambi um debaleu. Yeah, yeah, vou quitter mamão. Yeah, yeah, vou quitter baba. Fambi um debaleu, zambi um debaleu. Puis après géant, ça finit, ouais. yeah, yeah, fam nan kide yo. Yeah, yeah, ajwen maman. Maman ou pap jan kide yo. Se po pa mek nan te. Yeah, yeah, fam nan kide yo. Fam nan kide yo. Yeah, yeah, ajwen maman. Ale jwen maman ou. Maman ou pap jan kide yo. Pap jan kide yo. Se po pa mek nan te. Yeah, yeah. Tout moun te pale ou. Maman, papa, ou frère, ou cousin, cousine. Tout te dou kon sa, nan sa pa le fè a. Son maya civil enterré verbal, oué. Yeah, yeah. Wap tu es comme mon nan, oué. Mais femme sa wal maria. Son femme ki kon mwen 14 à 15 ans. Depuis koke nan se so kay maman. Pou si ou même kalte koke ratye fè sa. Bek fè a, nan moun nan kwal maria kli. Mais c'est malhonnête, yeah, yeah. Wap tu es comme mon nom, ouais. Alors, bagay qui dit, c'est le nom marié à confie. Ou à travail, ou quitte madame ou la caillou, en bon ordre, soit disant, pour voisinage, voyez les yeux pour vous. Et puis, ce voisinage, quand moi, j'en sais des combinaisons louches pour livrer madame ou à la crier public. Mais c'est malhonnête, yeah, yeah. Wap tu es comme mon nom, ouais. Bon, regardez ça arrivé, ou. Gardez vos cherches dans le travail ou, pour faire constat, madame, sur route de l'ambi, non vieux décapotable, à pied non vieux pieds en main, avec droit vagabond sans asile, mon cap marché fait des arrois, des avis, yé yé, quoi tu es comme un an, ouais. Bon, nous allons l'anzin, nous allons l'anzin. Gardez non, mesdames, ça y est là. Vous te connaissez très bien. Quand madame vient chercher pour le mener, on vient danser ses lèvres. Si t'es combat, contingent, pas contingent, bagaille, trop choy, ou t'es fait pour expliquer tout bagaille avant de te déplacer avec lui. Parce que quand madame saute la caille, il connaît la vie chercher la caillou, sans question de fête, fête et fourni. Oui, en question de fête et fourni. On voit. Donc c'est mal arrivé dans le bal là, on voit. On vient créer problème, une série de bagailles, on voit. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Et puis attendez, ça fait arriver, dit camarade là. Oh chéri, chéri, moi ton bagaille là, il va fâcher, non? Il va fâcher, non? Monsieur Demet, dis-moi, non. Même si je senti, mon bagaille qui va normal, senti, il pas à l'aise. Oh oui, chéri, pendant ma place avec toi, moi, mon petit Jean, quand on t'a donné au monde, 99 plus 1. Aïe aïe aïe. Pas la patrie à tomber à mon monsieur même. Quand vous avez créé problème, mes camarades là. Hein? Bon, en tout cas, passons. Bon. C'est gâté le gâté. Vous pas gagner rien de sérieux à faire pour lui. C'est gâté le gâté. Pas gagné de sérieux. Pas gagné de sérieux. Et puis, tant de salariés, dit comme là. Au chéri, sous quoi menti, manye aux êtres là, ouais. Manye aux êtres là, ouais, sous quoi menti. Bah là, c'est gâté, le poil gâté. En fait, qui soit de qu'on fait pour lui comme ça? Qu'est-ce qu'on fait pour lui comme ça? Fais expérience. Pas mal de matin, pas mal de midi, pas mal de soir pour essayer de pas gâté dans mes mains. Pas raison pour faire tout le bagage ça, yo. Ou d'être un petit caoté chargé avec Zépina là dans lui. C'est pas sérieux, moi. T'as que raison pour faire tout le bagage ça. Et puis qui soit de qu'on fait pour lui comme ça? Son question de trois fois par jour. Trois fois par jour. Oui, trois fois par jour. Trois fois par jour. Trois fois par jour. Trois fois par jour. Balti de l'eau. Balti de l'eau. Balti de l'eau. Balti de l'eau. Balti de l'eau. Balti de l'eau, balti de l'eau. C'est ça seulement, pas quand y'a un grand mot. Sauvez vous hein? Bon, ma foute sermenté, ma sermenté quand même. Ma foute sermenté. Vous m'attendez toute prière, pas jamais vous m'en dire. Mais prière pas, mais ça privé. Ma sermenté.